Livre 1er. Considération générale. Aujourd'hui, personne ne peut être admis ni dans l'armée, ni dans une école militaire ou civile appartenant à l'État, ni au collège, ni dans les couvents, ni dans le moindre pensionnat élémentaire, ni dans la salle d'asile, ni même dans une crèche, sans subir l'épreuve du vaccin, c'est-à-dire que personne ne peut échapper au virus de gêner. Aujourd'hui, tout le monde est vacciné. La vaccine, acceptée comme dogme par toutes les académies de médecine, est donc devenue une loi de l'État. En sollicitant et en obtenant une pareille loi, les académies assumaient une bien grave responsabilité. Le croira-t-on? Nous ne craignons pas de le dire, elles ont agi avec légèreté. Entraînées par le caractère merveilleux de la découverte de gêner, elles n'ont pas attendu les effets de l'expérience. Il fallait au moins 40 ans pour pouvoir se prononcer sur une pareille question, pour reconnaître et pour déterminer l'influence de ce système de grève sur l'organisme. Elles ont méconnu tous les principes de la logique la plus vulgaire, oubliant même toute prudence, elles ont accepté aveuglément une donnée qui n'était que probable, elles n'ont pas crainte d'engager ainsi toute l'espèce humaine et de baser une loi universelle sur de simples conjectures. Il y a 54 ans que la vaccine est découverte, et, fait inouï, il y a plus de 50 ans que l'oracle est prononcé, et les académies sommeillent. Jamais, pendant cette longue période, leur religion ne s'est inquiétée de vérifier l'exactitude du déplorable pronostic qu'elle nous impose comme article de foi. L'académie non seulement ne demande rien à l'expérience, mais encore elle proteste contre l'expérience, elle repousse ses enseignements, elle a son dieu vaccin en si grande vénération, qu'elle ne permet ni discussion, ni examen. Ose-t-on seulement se permettre de raisonner par écrit contre le dogme consacré? Point de commission, point de rapport, on renvoie au comité de vaccine, qui lit ou ne lit pas, délibère ou ne délibère pas, je ne sais, mais en tout cas, ensevelit et enterre à petit bruit, après avoir tiré les verrous. On dirait une sainte terreur, comme on défend la religion, on défend à tout prix le vaccin de la défaveur des masses. Et pourtant les faits sont là, l'académie de médecine n'est pas un concile, il est question de science, après tout, et dans la science, il n'y a que les axiomes qui ne se discutent pas. Or, à notre avis, l'académie de médecine, avant de dire impérieusement, tout le monde sera vacciné sous peine de l'exclusion absolue des services publics. Les indigents feront vacciner leurs enfants sous peine de mourir de faim. Il y aura des primes pour les parents de bonne volonté. Il y aura des médailles pour les médecins qui auront le plus contribué à propager la vaccine dans les campagnes. En Angleterre, on a plus loin, il y a pénalité, quiconque seulement néglige de faire vacciner son enfant est déféré aux tribunaux. Extrait de la loi sur la vaccine, 15 et 17 Victoria, cap 100. 1. Il est obligatoire pour chaque père ou mère d'avoir son enfant vacciné dans les 3 premiers mois de sa vie, soit par le vaccinateur assigné au district paroissial dans lequel l'enfant est né, soit par le médecin des parents, qui devront faire examiner le dit enfant par le vaccinateur, le 8e jour après la vaccination, pour obtenir un certificat de vaccine heureuse. À défaut de cela, les parents ou tuteurs, ou la nourrice sont punissables d'une amende de 20 shillings au plus. 2. En cas d'incapacité temporaire de subir l'inoculation de la vaccine, on doit obtenir un certificat du fait, et le renouveler tous les 2 mois sous peine de la même amende. 3. Un certificat est également nécessaire pour les sujets qui, après des essais répétés, sont reconnus non susceptibles d'être bien vaccinés. Dans plusieurs pays d'Allemagne, les ordonnances sont au moins aussi sévères. En Russie, on vaccine l'autorité. Avant de déclarer arbitrairement l'épreuve, et de traiter comme tel quiconque ne subit pas l'épreuve ordonnée. Avant même de compromettre son infaillibilité en émettant seulement une opinion officielle sur la question du vaccin. Elle devait faire les expériences suivantes, que commandait le simple bon sens. Prendre sur une vaste échelle des enfants de même famille, nés dans des conditions pareilles, vacciner les uns, laisser agir la nature chez les autres. Dès lors, suivre et comparer le développement de l'organisme chez les individus désormais, dans des conditions parfaitement différentes. Observer les maladies qui, pendant les 25 premières années, frappent les uns et les autres sujets, reconnaître de part et d'autre le caractère particulier de ces maladies, et en rechercher comparativement les origines constitutionnelles ou pathologiques. Enfin, suivre avec soin les changements survenus dans la constitution physique et morale des sujets sous l'influence de cette inoculation, en un mot, comparer la constitution altérée par l'art, et celle dont on n'a point comprimé l'essor naturel. Elle ne l'a pas fait, aveuglément elle a vacciné tout le monde. Et maintenant voyez cette génération inerte, rachitique, frappée en naissant d'impuissance et de vieillesse. Prenez-la dès le collège, froide, en proie à une paresse triste, sans enthousiasme, sans entraînement, même pour le jeu, pauvres enfants, qui n'admettent que la malice paisible, pour qui l'espièglerie est trop gaie, l'exercice trop fatigant. Pour toute récréation, ils promènent à pas compter un masque plutôt sénile que sérieux, ennuyés et ennuyeux, ils arrivent à tuer le temps dans des causeries où les calculs de la vanité et de la cupidité, on sert déjà plus de part que les chaudes rêveries de l'imagination et du cœur. Vainement les maîtres s'efforcent de secouer cette torpeur, ils en viennent, extrémité curieuse, à offrir des primes au jeu, à s'y mêler eux-mêmes pour donner l'élan sans pouvoir galvaniser cette pauvre espèce, dont la sève est étouffée dans le germe. En désespoir, on a introduit la gymnastique, afin de pouvoir au moins exiger, à époque fixe, un peu de ce mouvement indispensable à la santé. On a dû imposer ainsi comme un travail, avec ses professeurs, ses peines et ses récompenses, cette activité qu'autrefois, on était obligé de modérer et qui, par la sage prévoyance de la nature, était en même temps l'instinct et le plaisir, en somme, le caractère heureux de l'enfance. Suivez-les dans l'adolescence, dans la jeunesse, ils ont 20 ans, ils ne dansent plus, disent-ils, à vrai dire, ils n'ont jamais dansé. Ils prétendent raisonner. Autrefois on était jeune, il y avait alors une telle exubérance de jeunesse et de verve que, comme un torrent que rien ne peut contenir, elle s'échappait en mille boutades, en mille générosités, en mille folies. Et à côté de cette énergie pour le plaisir, quelle ambition énergique, comme le démon les tourmentait, quel feu, quelle passion. Il y avait alors des vocations irrésistibles. Aujourd'hui nul goût, nulle volonté, nul entraînement, un niveau fatal semble avoir passé sur toutes les organisations, la taille est petite, la constitution grêle, la volonté énervée, le cœur égoïste, l'esprit pauvre. Rappelez-vous nos pères, la forteresse de l'Empire, cette nature puissante, ces hommes de granit, ces beaux grenadiers de la garde, grands comme l'armure de François Ier, ils sont encore bien près de nous, et pourtant, en nous regardant aujourd'hui, il est bien difficile de ne pas croire qu'ils appartiennent aux âges héroïques. Aujourd'hui les compagnies d'hommes de 5 pieds 6 pouces appartiennent à l'histoire. Nos casques et nos cuirasses n'ont pas le poids, les casques et les cuirasses de l'Empire sont au musée d'artillerie. La dégénérescence est-elle assez évidente? Est-il permis de discuter? Eh bien, cherchez la cause, demandez compte. Comme on l'a fait, de cet amoindrissement de l'espèce, à la dissolution des mœurs, aux guerres de l'Empire, qui dévoraient les plus beaux hommes. Tout cela n'est pas sérieux, la guerre, dites-vous? Mais outre les hommes vigoureux, bien construits que la conscription a épargné, les armistices, les congés ont permis à nombre de héros, à nombre de colosses de fer souche, et il est facile de constater du reste que la génération de l'Empire, en sa qualité de premier quartier de la vaccine, premier quartier non pas de noblesse, mais bien de dégénérescence, fut certes supérieure à sa descendance actuelle. Maintenant, quant au libertinage, nous vous répondrons que nous ne sommes pas plus dissolus que nos aïeux, qu'ils sont encore nos maîtres en ces sortes de hardiesses, et que leur ombre, si elle a gardé le souvenir des audacieuses fantaisies, de la puissance et des imprudences herculéennes du temps de la Régence et de l'Empire, doit avoir grand pitié de nos pauvres orgies, qui se traduisent en fumée et de notre petit travail. Suivez, sous toutes les formes, les idées rétrécies de cette génération, voyez-la renfermée dans ces petits réduits, un appartement complet tiendrait à l'aise dans la salle à manger d'un de nos ancêtres, voyez ces petites habitations, ces petites chambres, ces petits salons, enfin tout cet ensemble d'architecture faite pour des esprits étroits, des goûts mesquins, des poitrines sans souffle, architecture lilliputienne où vous auriez vainement tenté d'étreindre la haute taille, d'étouffer la large poitrine, les puissants poumons de la race éteinte. Remarquez-le, cela est curieux, ce sont les mêmes idées, les mêmes habitudes, la même vie, les mêmes tentatives qu'au siècle passé, les proportions seules ont changé, considérez-nous, on croirait voir l'époque qui nous précède, on croirait la voir, mais par le gros bout de la lorgnette. Nous ne voulons pas entrer dans des questions irritantes, contestées, et qui, du reste, ne nous appartiennent pas, nous ne voulons pas nous fourvoyer au milieu des écoles en présence, non seulement nous ne prétendrons pas décider, nous ne nous permettrons pas même de discuter la question du progrès, ou de la décadence des lettres, des arts, des sciences, le texte devient trop délicat, des noms seuls et des noms de personnages vivants feraient le fond du débat. Nous serions obligés de dire, telle invention, par exemple, est admirable, les résultats en sont merveilleux, soit, mais c'est une découverte du siècle passé, que les vaccinés d'aujourd'hui, réduits à l'habilité, ont eu l'art d'appliquer. Tel progrès que la science a fait est au-dessus de tout éloge, sans doute, mais il est dû à un des membres encore aujourd'hui survivants de cette génération qui, nous précédant de quelques années seulement, a eu le bonheur d'échapper au virus de Gené. Nous serions obligés enfin de constater quelques notables exceptions qui, sans infirmer notre thèse, feraient ressortir simplement la supériorité de certaines natures à qui il est permis de tout braver, même le vaccin. Nous le répétons, nous ne voulons pas entrer dans des questions qui ne nous appartiennent pas. Toutefois, il est impossible de ne pas remarquer un fait bien notable aujourd'hui en notre littérature. Si la période de 1830 nous a montré quelques-unes de ces exceptions remarquables, dont nous parlions à propos de la science, il faut bien constater que les exceptions s'arrêtent là, le second quartier de la vaccine est certes moins heureux, nous en sommes encore à la période de 1830. Non seulement à une époque où il est si facile de faire ses preuves, nous n'avons pas vu sortir une pléiade d'hommes de talent suffisante pour constituer une nouvelle période, comme il est d'usage tous les 25 ans, mais même les tentatives sérieuses ont été fort rares. L'instruction, aujourd'hui plus répandue que jamais, en mettant le métier à la portée de tout le monde, a fait ressortir plus encore l'impuissance de la génération nouvelle. Après Voltaire, après Beaumarchais, après Mirabeau, après Roy et Collard, Chateaubriand, Lamennais, Béranger, à côté des Guizot, des Villemain, des Lamartine, des Arago, des Dumas, des Thiers, des Hugo, des Balzac, des Musset et de quelques autres encore que nous pourrions citer, elle nous a donné le triste spectacle d'une foule de petits personnages, qui ne peuvent élever leur présomption plus haut que la collaboration et la critique. Il en est de même partout, l'Angleterre ne trouve pas qui lui remplace ni Shakespeare, ni Milton, ni Biron, elle n'a même plus ni un Sheridan, ni un Dryden quelconque, son éloquence parlementaire s'arrête à la Pléiade contemporaine de Lord Palmerston. L'Allemagne n'a plus ni Klopstock, ni Schiller, ni Goethe, elle s'est arrêtée à Jean-Paul. L'école philosophique s'agite, mais dans des voies déjà tracées, dans des sentiers battus, l'école critique de la synthèse est tombée à l'analyse. Le métier, toujours le métier. Plus d'hommes de génie, mais des procédés à la portée de tout le monde. En musique, à défaut des Gluck, des Mozart, des Haydn, des Beethoven, des Rossini, des Erol, des Boieldieu et des Aubert, le métier nous donne les nombreux arrangeurs. En peinture, après les Rubens, les Van Dyck, les Paul Véronèse, les Murillo, les Velasquez, les Prudhon, les Gros, il nous fait tomber sans transition de la puissance de Géricault à la patience de Meissonnier. La jeune médecine, sans faire un pas, s'épuise en système, se traîne à la suite de tous les charlatanismes, substitue la divagation au progrès, étant de jour en jour à faire dégénérer une science à laquelle chaque siècle, jusqu'ici, avait apporté sa part de grandeur et de certitude. La dégénérescence a lieu sous toutes les formes. Le caractère même a été atteint. La gaieté, cette vieille et franche gaieté de nos pères, qu'il est permis à une génération froidement vicieuse de railler, cette gaieté, conséquence naturelle et, du reste, complément indispensable du bien-être physique, cette gaieté n'est plus. Aujourd'hui on prétend être sérieux, tout simplement on est grave et ennuyé. En face de cette impuissance qu'ils sont obligés de reconnaître eux-mêmes, ils désespèrent, et ne songent qu'à la voiler, ils suivent le conseil de La Rochefoucauld, ils sont graves, la gravité est un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l'esprit. À un mal, ils en ajoutent un autre, ils compliquent le premier empoisonnement, ils fument pour avoir l'air de penser. Nous ne voulons pas louer outre mesure le temps passé, les salons d'autrefois, il est pourtant permis de regretter ce respect de soi-même et des autres, cette recherche excessive du bon ton, ce sentiment exquis de la bonne compagnie, et surtout ce soin enthousiaste des femmes qui, en adoucissant les formes, en modérant le caractère, en assouplissant l'esprit, a valu à la France cette réputation de politesse, de goût, et de suprême élégance aujourd'hui passée à l'étranger. Suivez, suivez tous les accidents de cette dégénérescence, quoique tous dus à un principe unique, ils sont variés, tristement variés. L'abâtardissement n'est pas uniforme, il y a des variétés de victimes, mais quant à l'ensemble, le niveau va s'abaissant, cela est positif. Voyez où nous marchons, regardez le chemin déjà fait, songez à ce que sera le troisième quartier de la vaccine. Aet apparentum, peugeor habituli non occior, mox daturo progeniam vitiosiorem. C'est-à-dire que si la nature, plus forte que la prétendue raison humaine, n'arrivait souvent par bonheur à l'emporter sur la résistance du vaccin en développant quand même la petite vérole, il est de toute évidence que le monde, à quelques générations d'ici, tomberait au dernier échelon de la dégradation physique et morale. Les faits de dégénérescence sont évidents, on n'avait point attendu notre dissertation pour remarquer et déplorer cet amoindrissement de la race, et depuis longtemps déjà on cherchait la cause. En effet, quoi de plus extraordinaire ? Chaque jour les conditions de l'existence générale deviennent meilleures, les gouvernements de tous les pays, en particulier le gouvernement français, ne reculent devant aucun sacrifice, quand il s'agit d'apporter une amélioration à l'hygiène, et pourtant la race dégénère. Le travail est moins pénible, la durée en est sagement limitée. Une active surveillance rend la nourriture plus saine, la grande voirie montre une activité incessante, partout. Les miasmes malsains sont éloignés des grands centres de population, les industries insalubres, tous les amas pestilentiels, sont écartés des habitations, les rues sont élargies, les eaux s'écoulent facilement, les égouts sont nombreux, les logements ont les dimensions exigées par la loi, il y a de l'air partout. En un mot, l'hygiène, sans être arrivée au rare degré de perfection, que rêve et atteindra notre gouvernement, a fait depuis quelques années des progrès immenses, et pourtant la race dégénère. Une si rare sollicitude, tant de soins sont perdus, la race est maigre, étiolée, maladive. Les exemptions du service militaire pour faiblesse de constitution ont pris des proportions de plus en plus considérables, aujourd'hui le chiffre en est énorme, comme nous allons le montrer par les tableaux du ministère de la guerre. La race avorte, c'est officiel. En effet, à quoi bon l'air? Les pores de la peau sont oblitérés, les poumons sont tuberculisés. À quoi bon la nourriture saine? À quoi bon préserver l'économie des miasmes pestilentiels? La corruption est à l'intérieur, c'est laquelle le siège du mal. À quoi bon les agents externes, puisque le vaccin a fermé tout accès? À quoi bon l'hygiène, puisque le vaccin est entraîné l'organisme? En face de ce tableau, qui semble triste, qu'on ne nous accuse pas de paradoxe, nous n'avons rien imaginé, nous avons seulement observé et déduit les conséquences de 30 années d'observation et de recherche. Nous avons même compulsé tous les registres des hôpitaux, au bureau central, afin de reconnaître les maladies, dont le nombre avait augmenté ou diminué depuis l'introduction du vaccin. Les lacunes que nous avons rencontrées ne nous ont pas permis de mener à fin un travail qui n'aurait pas été d'une scrupuleuse exactitude, mais au moins il ressort pour nous de cette recherche, un aperçu d'ensemble qui vient corroborer notre expérience personnelle. Et les traditions de la pratique générale. Nous avons fait en outre au ministère de la Guerre, la statistique des jeunes gens exemptés pour cause de maladie, de faiblesse de constitution, ou défaut de taille, les documents antérieurs à 1816 manquent. Nous avons pris depuis cette époque jusqu'en 1851. Récapitulation des cas d'exemption de la conscription pour cause de défaut de taille ou d'infirmité, depuis 1816 jusqu'en 1851. Tiré des comptes rendus sur le recrutement du ministère de la Guerre. Année nombre des jeunes gens faisant partie du contingent réformé pour infirmité ou défaut de taille. 1816. 280,996, 30,099, 1817, 298,202, 32,052. 1818, 309,194, 38,324, 1819, 307,708. 43,427, 1820, 288,828, 40,912. 1821, 279,227, 44,995, 1822, 274,740. 43, 994, 1823, 266,334, 44,660, 1824. 275,964, 61,747, 1825, 296,566, 63,379. 1826, 283,376, 67,513, 1827, 283,822. 66,562, 1828, 282,985, 66,946. 1829, 294,975, 64,447, 1830, 294,593. 54,779, 1831, 295,978, 63, 466, 1832, 277,477, 58,870, 1833. 285,805, 63,253, 1834, 326,298, 62,782. 1835, 309,376, 63,449, 1836, 309,516. 68,631, 1837, 294,621, 68,708. 1838, 287,311, 65,083, 1839, 314,521. 70,515, 1840, 300,717, 67, 931, 1841, 300,822, 67,632, 1842. 304,222, 71,610, 1843, 304,998, 71,294. 1844, 308,900, 66,365, 1845, 300,775. 65,586, 1846, 307,091, 67,216. 1847, 304,905, 55,652, 1848, 305,186. 55,652, 1849, 305,802, 61,008, 1850, 304,591, 60,947, 1851. 306,161, 58,689. Or, ce tableau suffit à notre démonstration, puisque ce n'est qu'à partir de 1822 ou 1823 que les premiers sujets vaccinés ont dû être appelés sous les drapeaux, le commentaire est inutile, ce sont des chiffres. Si l'Académie avait fait les expériences dont nous avons parlé au début, non seulement elle aurait vu se produire, sur une échelle suffisante, cette dégénérescence dont nous venons de démontrer l'ensemble désastreux, mais même elle aurait pu suivre pas à pas l'action funeste du vaccin sur l'organisme, voire graduellement se développer, toutes les conséquences pathologiques, tous les fléaux issus plus ou moins directement. Mais régulièrement de cette triste expérimentation, elle aurait vu, dès le second ou le troisième jour de l'inoculation du virus vaccin, s'opérer, sous une légère influence fébrile, un changement très notable dans le faciès de l'enfant, elle aurait vu s'effacer cette teinte, vermeille donnée par la nature, puis se produire et persister assez longtemps un teint mat, jaune, plombé. Elle aurait vu s'affaisser légèrement la tension des joues, et les yeux se cerner. Elle aurait déjà pu, à ses premiers signes, reconnaître une action immédiate du vaccin sur la peau et sur la partie superficielle de la circulation capillaire. Elle aurait vu enfin chez ses enfants la perte de la gaieté, et une espèce d'anéantissement. Plus tard, observant toujours le développement parallèle des sujets dans les conditions posées par l'expérimentation, elle aurait eu à observer des cas nombreux de scrofules, et elle aurait déjà compris qu'ils ne peuvent être dus qu'à l'engorgement des ganglions par cette exubérance de lymphe, nécessaire sans doute à l'enfance, mais que, grâce à la merveilleuse prévoyance de la nature, la petite vérole était chargée de rejeter au dehors pour en débarrasser l'économie lors du passage de l'enfance à l'état adulte. L'Académie aurait pu reconnaître l'augmentation considérable, et toujours croissante des angines dites gangreneuses, du croup, des maladies cancéreuses, des affections de poitrine et particulièrement de la phtisie pulmonaire. Pour elle, l'origine des tubercules cesserait d'être inexpliquée. Poursuivant l'expérience, l'Académie aurait pu enfin se rendre compte d'un désastre qui date de plus de 30 ans, et qu'elle n'a pas encore trouvé moyen de conjurer, elle aurait su pourquoi cette affection terrible, qu'on a confondu jusqu'à présent avec la fièvre typhoïde, est devenue graduellement endémique chez les sujets vaccinés de 15 à 20 ans. Elle aurait nécessairement vu, en étudiant le caractère spécial de cette maladie, qu'elle n'est autre chose qu'une répercussion, c'est-à-dire un développement interne de la petite vérole, en un mot une petite vérole retournée. L'Académie aurait été effrayée, comme nous de cet ensemble de mots, s'abattant comme des plaies d'Égypte sur l'âge le plus intéressant de la vie. Elle aurait frémi en reconnaissant que, pour supprimer un faible péril dans l'enfance, elle expose plus tard le sujet au plus terrible désastre, et cela juste au moment où, à travers mille obstacles et mille dangers, au prix de mille sacrifices, la nature et la famille ont accompli leur tâche et croient avoir donné un homme à la société. Avec quelle terreur l'Académie n'aurait-elle pas suivi l'action du vaccin sur les facultés intellectuelles, car elle aurait observé que bien souvent le cerveau subit aussi les funestes conséquences du virus. Or, sans prétendre, comme les matérialistes absolus, attribuer au cerveau seul le principe intellectuel, on ne peut s'empêcher d'admettre, avec les spiritualistes modérés, que le cerveau ne soit au moins, pour le principe immatériel de l'intelligence, un instrument indispensable. Il faut bien reconnaître que le degré de perfection, de développement ou de santé de cet instrument unique, règle jusqu'à un certain point, la puissance et la portée de l'acte intellectuel. On comprendra alors que, grâce à l'action pathologique du vaccin sur la matière cérébrale, action médiate que nous démontrerons plus loin, on comprendra, dis-je, que le vaccin a dû déterminer une perturbation dans les facultés de l'intelligence, et on consentira peut-être à reconnaître avec nous, que le vaccin a non seulement entraîné la dégénérescence physique, mais aussi la dégénérescence morale de l'espèce humaine. En effet, si pour quelques-uns l'organe est douloureusement frappé jusqu'à la formation du tubercule, jusqu'au ramollissement, jusqu'à la production de la folie ou de l'idiotisme, si, dans bien des cas, l'action pathologique est évidente, on peut concevoir que d'autres individus plus heureux, ou dont la constitution est moins lymphatique, n'échappent pourtant pas complètement à l'action nuisible de cette matière qui, sous forme de petite vérole, devait être expulsée du cerveau. Il est impossible que le séjour forcé de cette matière hétérogène n'entrave pas les importantes fonctions de l'organe, et dès lors l'admirable instrument de la pensée devient de toute nécessité moins sain, moins parfait, et voit se réduire dans de notables proportions sa puissance, son activité, sa sève, sa portée. Du reste, cette épuration du cerveau et de tous les organes par l'éruption variolique est indispensable et salutaire, à ce point que dans les temps antérieurs à la vaccine un fait curieux a été relevé, à savoir, que les individus chez qui la variole produite dans des conditions louables avait rejeté franchement, d'une manière bien énergique, les principes qu'elle a mission d'emporter, et, en quelque façon, avait bien épuré tout l'organisme. Ces individus ont montré généralement, soit sous le rapport de la force physique, soit dans l'ordre moral et intellectuel, une supériorité incontestable, tandis que d'autres, chez qui la nature, quoique libre encore des entraves de l'art, ne pouvait, grâce à mille causes étrangères, suivre son cours, ceux-là, dis-je, étaient exposés, quoique dans des conditions moins graves, à tous les accidents que nous signalons comme conséquences. du vaccin. Maintenant que, grâce aux académies, tout le monde doit être vacciné, la calamité est générale. Ainsi, non seulement l'académie n'a rien prévu, mais l'incurie a été telle qu'en présence d'un fait capital, se reproduisant régulièrement d'une façon en quelque sorte normale, elle n'a pas consenti à s'émouvoir. En effet, il est avéré aujourd'hui que dans le cours d'une période qui ne dépasse guère 25 ans, les sujets vaccinés, dont la constitution est vigoureuse, sont le plus souvent atteints de la petite vérole, c'est-à-dire que la nature révoltée, finit par l'emporter sur l'art, et parvient à échapper au vaccin. Ce fait grave, ce seul fait prouvait à n'en pas douter le défaut de la théorie, il en était même la contradiction pure. Car, que disent les vaccinateurs, le vaccin détruit le principe de la petite vérole, ou le copox se substitue à la variole, etc., etc. Vainement ces cas nombreux de petites véroles, frappant sur des sujets vaccinés, alarmèrent les populations, vainement la conscience publique se révolta, l'académie resta sourde. On insista, les faits se multiplièrent, alors, à bout de dénégation, l'académie se contenta d'avouer, que le vaccin n'a d'action que pendant un certain laps de temps, et sans chercher le moins du monde à se rendre compte de ce mode d'action, elle ordonna tout simplement de revacciner tous les 5, 10 ou 15 ans. Ainsi le vaccin n'a d'autre action, que de contenir le principe de la petite vérole, de le retenir à l'intérieur de l'organisme au risque des plus graves désordres, et contrairement à toutes les règles de la saine médication, qui enjoignent de toujours pousser au dehors, de toujours chasser par tous moyens imaginables les principes malsains, contrairement aux règles du simple bon sens, l'Académie ordonne de renouveler cette action désastreuse. De contenir encore la nature qui, instinctivement, se débarrasse, et, malgré tout, de maintenir dans la place un ennemi bien dangereux et qui ne demande qu'à fuir. Croira-t-on plus tard à une pareille décision? Maintenant, à côté des arrêts de l'Académie, qu'il nous soit permis d'exposer le résultat de nos recherches. Nous avons marché graduellement. Notre première expérience date de 30 ans. Nous n'avons pas tout d'abord embrassé, comme aujourd'hui d'un seul coup d'œil l'humanité tout entière, nous avons fait tous nos efforts pour procéder selon les lois de la logique la plus rigoureuse, nous avons groupé plusieurs observations avant de déduire une conséquence, nous avons passé de longues années à analyser terre à terre, l'individu avant de généraliser ambitieusement, enfin nous ne prétendons pas rompre des lances pour des conjectures, mais exposer simplement, comme on va le voir, des faits vrais, précis, incontestables, et tirer nos conclusions les plus irréfutables non pas seulement de nos observations, qu'à la rigueur on pourrait discuter, mais des observations recueillies par nos adversaires eux-mêmes. Ces observations nous ont conduit à la découverte de l'action réelle du virus vaccin, puis à la solution bien plus importante encore d'un problème qui, jusqu'à ce jour, a fait le désespoir de la médecine. Je veux dire qu'il nous a été permis de reconnaître d'abord, et nous le prouverons facilement, à savoir, que la vaccine, bien loin de combattre ou de neutraliser par une action chimique, ou thérapeutique de n'importe quelle façon la petite vérole, de se substituer à elle, c'est-à-dire de remplacer une crise quelquefois sérieuse par un mal, qui semble plus inoffensif, n'a qu'une action spéciale et qui, en réalité, s'exerce exclusivement sur la peau. Comme conséquence de cette première découverte, nous en sommes venus à expliquer et à combattre un phénomène terrible, dont l'art n'avait pu jusqu'ici percer le mystère ni conjurer les effets, je veux parler du phénomène des tubercules. En un mot, il nous a été permis ainsi de reconnaître la cause unique d'un désastre complexe, la médecine actuelle en suit en vain, sur tous les points de l'organisme, les détails déplorables qu'elle n'a pas songé à grouper. Enfin, la connaissance exacte de la cause des affections multipliées, dont nous avons fait l'énumération, nous a tout naturellement montré le procédé thérapeutique. Je le sais, je plaide une cause qui doit sembler tout d'abord peu sympathique, la cause de la petite vérole. Je le sais, cette crise est la terreur des mères, terreur trop habilement exagérée, trop longtemps exploitée par les vaccinateurs. Je viens vous dire, ce que vous avez considéré comme une maladie affreuse, et qu'il fallait à tout prix éviter, cette crise, dont les symptômes sont effrayants, les accidents parfois graves, ce mal dont vous avez follement rêvé l'extinction, ce mal est tout simplement un admirable travail de la nature, une crise sublime. Je sais qu'avocat, mauvais ou bon, d'une cause excellente, je m'adresse à un auditoire prévenu. Je viens dire, il ne faut pas se préserver de la petite vérole, bien plus, quand elle est venue, loin de la chasser, loin de la combattre, loin de faire avorter ce prétendu mal, il faut l'aider de toute manière, favoriser, faciliter son entier développement, cela semble un paradoxe cruel, cela est simplement vrai, il faut subir la petite vérole, prévenir les accidents, au moins les neutraliser, les supprimer s'ils en veulent. Par l'inoculation, mais subir l'épreuve. On aura peut-être grand-peine à m'écouter, et pourtant la petite vérole, qu'est-ce donc? Une crise, un danger et la nature prend son essor. La petite vérole. Mais l'aphtisie, mais les affections tuberculeuses, mais les cancers, les humeurs froides, le rachitisme, les maladies de la moelle, mais la fièvre typhoïde, sont-ce donc là, comme la petite vérole, des épouvantails et non des vrais maux terribles, violents, sans remède? Ne sont-ils pas mille fois plus cruels, mille fois plus impitoyables que la petite vérole? Et quand on aura compris la question telle que nous la posons, il faudra se décider à opter, et on choisira la petite vérole. Cela est douloureux, je le sais, mais que dire? Tel est l'arrêt de la nature. Les enfants ne souffrent-ils pas aussi parfois, dans les convulsions de la dentition? A-t-on jamais songé à contenir ses pouces, ou plus tard à empêcher ses premières dents de tomber? Les femmes n'ont-elles pas la menstruation qu'on n'a jamais eu l'idée d'éviter? Ce sont la crise naturelle, l'idée n'est jamais venue à personne de les entraver, encore moins d'en débarrasser l'espèce humaine, au contraire, on a toujours fait pour elles ce que nous demandons pour la petite vérole, on les aide, on écarte, on combat avec soin tout ce qui peut les faire avorter ou les supprimer, elles sont inévitables, il n'y a pas même prétexte pour élever un doute sur ce point, elles sont douloureuses. On les subit, la nature a toujours voulu que ces crises, même les plus salutaires, fussent accompagnées de douleurs et de dangers. Il faut se résigner. Seulement, à mesure que nous avançons, la thérapeutique fait des progrès, et les accidents graves deviennent de plus en plus rares. Il en est, il en sera de même pour la petite vérole, qui, grâce à un traitement bien entendu, peut désormais dans beaucoup de cas être assez bénigne, et laisser à peine quelques traces. Je sais quelle résistance je dois rencontrer, quelles indignations irréfléchies je vais soulever, je sais les antipathies du public, je sais à quel point le préjugé du vaccin flatte sa sécurité, je sais qu'il se résignera difficilement. Je sais qu'une partie du corps médical, l'Académie de médecine seront peu disposés à revenir sur le dogme créé aveuglément, à condamner les articles de foi proclamés officiellement depuis tant d'années. Je sais bien qu'il sera difficile d'obtenir que les comités de vaccine, institués spécialement pour représenter, défendre et propager le principe de cette inoculation, exécutent une volte-face et frappent l'idole dont le culte leur est confié. Je sais qu'il sera difficile d'obtenir de leur franchise un aveu pénible, je sais qu'ils auront grand-peine à reconnaître, que depuis longues années ils n'ont de bonne foi propagé avec approbation et privilège, avec prime, avec menace même, rien d'autre chose qu'un principe de dégénérescence de l'espèce humaine. Je sais que les corps savants n'aiment pas être dérangés dans leur despotisme, la théorie une fois acceptée de confiance, ils ne demandent qu'à vacciner sans souci. Ce n'est pas chose facile que pénétrer jusqu'à leur religion, et il faut bien du bruit pour éveiller leur sollicitude. Je le sais, j'aurai contre moi l'intérêt, l'amour propre, la paresse, l'insouciance, la routine, je le sais. Mais s'ils ont ne pouvaient dire la vérité, quand elle est en opposition absolue avec une opinion généralement admise, si en dépit des faits, en dépit de sa propre raison, on consentait à s'incliner devant un préjugé funeste, parce que l'Académie admet et soutient ce préjugé, parce que le gouvernement, animé des plus louables intentions, même mal informé, lui donne en quelque façon force de loi, si, dis-je, en dépit de sa conscience on osait parler, on manquerait à tous les devoirs de sa profession. Disons-le donc sans détour, une méthode qui promettait merveille, et qui semblait rationnelle devait être accueillie sans doute, mais il ne faut pas éternellement se faire illusion sur une idée spécieuse, on doit l'étudier sérieusement tous les jours, lui demander d'année en année, un compte sévère des espérances qu'elle a fait concevoir. Non, il n'est pas permis de renoncer en principe au progrès de notre raison, il est insensé de se prosterner dans l'ornière de la routine. Depuis longtemps ma conviction est faite. Déjà dans une brochure, en 1839, j'émettais mon opinion, je publiais quelques observations caractéristiques, je jetais les bases de ma théorie, puis j'ai attendu encore que 15 nouvelles années d'études, de recherches, d'observations, d'expérimentations même vinces, non pas raffermir ma conscience, mais assurer ma voix et donner à ma parole, l'autorité qui convient à la mission que je prétends entreprendre. Certes l'idée de gêner était spécieuse et avant tout séduisante, mais si sagace observateur qu'il fût, il ne pouvait à lui seul compléter l'expérience, il la posa, la commença, sa vie ne devait pas suffire à la suivre. L'idée pouvait être belle, mais il fallait attendre et vérifier. Gêner, sans jamais l'avouer, le comprenait parfaitement, son opinion sur ce point était si bien arrêtée, que comblé d'éloges, honoré de récompenses nationales, étourdi de gloire, au milieu de l'enthousiasme général, au milieu du délire de vaccination dans lequel il avait bravement jeté le monde, il se garda de vacciner son propre fils, et lui inocula la petite vérole. Il fallait observer les conséquences de la vaccine, c'était l'œuvre des successeurs, ils n'y songèrent pas, trouvèrent plus commode d'exploiter machinalement l'idée sans se rendre compte, le moins du monde ni du mode d'action ni des effets. Pour les besoins du succès, ils ne reculèrent devant aucune exagération, devant aucune assertion mensongère, une seule question les préoccupait, sauver à tout prix le crédit et la gloire du système, qu'ils s'étaient chargés d'exploiter. Si Gêner revenait au monde, à la vue des maux dont sa découverte est l'origine, certes, il ne pourrait retenir le cri de sa conscience, certes, il aurait le courage de dire aux médecins, à l'Académie, au maire, « Je me suis trompé, nous nous sommes trompés sur les vertus du vaccin, il ne détruit pas, comme je le supposais, Le principe de la petite vérole, il le concentre, il l'enferme, et cette répercussion donne lieu à des maladies beaucoup plus graves que la petite vérole, puisqu'elles sont presque toujours incurables ou mortelles. La petite vérole est une maladie innée chez l'homme. Ne vaccinez plus, laissez l'enfant payer un impôt auquel rien ne peut le soustraire. La petite vérole est une dépuration naturelle du sang. Si vous vous opposez à cette élimination de principes malsains, dont nous apportons le germe en naissant, vous condamnez l'individu à des accidents beaucoup plus redoutables que celui que vous cherchez à éviter. Ayez confiance dans la nature, laissez-la agir librement, nous avons cru la corriger, nous n'avons fait que l'entraver, mettons un terme, il en est temps, à une expérience désastreuse. Rendons enfin au développement physique et moral de l'homme, son essor trop longtemps comprimé, et acceptons l'œuvre de Dieu telle qu'il a voulu qu'elle fût. Ce cri de la conscience et de la raison serait-il écouté maintenant? Je ne sais. Et pourtant je ne puis désespérer du bon sens général. Peut-être la tâche sera-t-elle rude, mais le ciel ne permettra point qu'elle soit stérile, et je suis convaincu d'avance, que lorsqu'elle sera accomplie, personne ne pourra comprendre comment, au XIXe siècle, on a pu tomber, bien plus, persister dans une erreur aussi grossière, erreur à laquelle avait échappé l'enfance de la médecine. On ne pourra comprendre qu'à une époque où l'on ne parle que de raisonnement, de libre examen, de discussion approfondie, on ait cessé de pratiquer de confiance, aveuglément, pendant près de 60 ans, une inoculation capable de porter d'aussi terribles désordres dans l'économie. Il est temps enfin que la vérité soit connue, il est temps, le mal gagne tous les jours, chaque année livre au vaccin des milliers de sujets, chaque année le vaccin lève la dîme de ce qui reste de force, de santé, d'intelligence à cette race déjà abâtardie. Le temps des discussions stériles est passé, répétons-la, il est temps, la dégénérescence avance, tout retard est un désastre, il faut agir promptement, car sur tous les points du globe, chaque jour on vaccine et on revaccine. Chaque jour de retard engage une génération de plus. En effet, comptez tous ces scrofuleux, ces rachitiques, tous ces tuberculeux, comptez les malheureux qui ont pu échapper aux nombreuses fièvres typhoïdes, comptez toutes ces existences anormales, tout ce monde épuisé, malsain, atone. Tous ces malheureux, avant de mourir, font souche, triste souche, et ces enfants, à qui leur père dégénéré ont légué un sang pauvre, dépourvu d'énergie et de sève, ces enfants sont vaccinés. Suivez, suivez la dégradation, ces chétives constitutions, mises aux prises avec le vaccin, produiront donc une nouvelle race qui, elle aussi, sera vaccinée, et ainsi de suite, de génération en génération. C'est tout simplement l'expérience de la machine pneumatique, chaque coup de piston enlève la moitié de l'air contenu sous la cloche, au 20e coup, la quantité qui reste n'est plus mathématiquement appréciable, au 21e, c'est le vide. Il est curieux de remarquer que depuis 60 ans, cette triste expérience agit sur l'homme dans un sens exactement inverse à celui des essais tentés sur les animaux, dont chaque jour on améliore réellement la race. Sans tant demander, l'espèce humaine a bien droit au moins à conserver sa force normale, nous ne demandons pas qu'on cherche, comme quelques médecins anglais, les moyens d'obtenir une race d'hommes de 8 pieds, mais au moins qu'on respecte l'œuvre de Dieu, et qu'elle reste telle qu'elle a été créée. Les éleveurs sont bien plus intelligents que les vaccinateurs, ils savent très bien, les essais ont été assez nombreux, que le vaccin préserve le mouton de la clavelée, le cheval des gourmes, mais ils se gardent de vacciner. Les chasseurs vaccinent-ils les chiens, et pourtant le vaccin les préserve de la maladie. Ils s'en gardent bien, ils savent que les chiens ainsi sauvés de cette première crise naturelle n'ont plus ni l'air, ni jambes, ni aucune des qualités de leur race. Tous respectent la nature, aussi toutes les races sont améliorées, la race humaine seule a perdu. Il en est temps encore, hâtons-nous de revenir à l'espèce, ne songeons plus à obtenir de déplorables variétés. Nous ne pouvons rien rêver de meilleur pour l'homme que les conditions normales, primitives, que la nature lui a données. Voyez les nègres libres, les tartares, voyez toutes ces peuples à déloigner encore de la civilisation aussi bien au nord qu'au midi, dans les steppes sauvages de la Russie ou au désert de l'Afrique, ni fièvre typhoïde, ni phtisie tuberculeuse, une force herculéenne, des proportions héroïques. En un mot, partout où on retrouve l'homme nature, on retrouve l'espèce. Race heureuse, que menace déjà la civilisation. Fasse le ciel qu'on nous écoute à temps, et qu'on ne laisse pas bientôt toutes les civilisations, comme d'un commun accord aux quatre points cardinaux, jeter dans la dégénérescence générale, les derniers types de la race primitive aujourd'hui perdus parmi nous. Le docteur Baudin nous citait à ce propos, la difficulté que les médecins rencontrent pour la propagation du vaccin en Algérie. Les Arabes, tant par fanatisme religieux que par sentiment naturel, montrent une répulsion extrême à cette pratique, instinctivement, ces pauvres gens défendent encore de leur mieux la pureté de leur race. De la petite vérole considérée, comme agent thérapeutique des affections scrofuleuses et tuberculeuses. Suivi de considérations nouvelles sur la nature de ces maladies et sur les résultats funestes de la vaccine inuite, Paris, 1839.